Amis humains, bonjour. Je vous propose une série d'articles, toujours dans notre série sur la robotique. Un thème croustillant, sexe et robots, les liaisons dangereuses numéro 2. Aux États-Unis, la firme True Companion est allée plus loin en commercialisant, en 2010, le premier robot sexuel, répondant au surnom de Roxxxy. Avec sa perruque blonde, sa mâchoire un peu carrée, Roxxxy évoque une bonne itilée et bêtée en lingerie fine. Ses mouvements de tête, une simple rotation de gauche à droite, saccadée et grinçante, ont la délicatesse du King Kong de 1933. Sur Internet, on peut voir une vidéo de démonstration de bien mauvaise qualité, présentée par l'inventeur Douglas In, binoclard chauve en blouse blanche aux allures de savant fou. Puis je t'embrasse et demande un homme galant Douglas à son robot. J'aimerais beaucoup que tu m'embrasses, répond Roxxxy, d'une voix électronique chevrotante qui se veut langoureuse. Elle laisse échapper un rire innocent quand on lui prend la main. Je suis de plus en plus excitée, confie-t-elle quand le savant fou entreprend de lui malaxer la poitrine. On vous épargne la suite. Amour inévitable Roxxxy, elle aussi, est modelable à souhait, 5 couleurs de peau, 39 coupes et 63 couleurs de cheveux sont disponibles en catalogue. On peut choisir la personnalité de Roxxxy parmi 5 programmes ainsi présentés, frigifara, timide, Wiltwendy, aventureuse, SM Suzanne, pour homme dominateur, jeune Yoko, elle veut apprendre les secrets du plaisir, malgré son jeune âge, et mature Martha, au contraire, très expérimentée. Roxxxy, comme son alter ego masculin Rocky, coûte entre 4800 et 6300 €. Plus navrant que glamour, ces robots ont surtout le mérite de constituer le premier signalement d'une industrie à l'aube de son développement. Qui sait ce dont seront capables, demain, leurs congénères androïdes. David Levy, chercheur britannique en intelligence artificielle, a consacré un livre au sujet, Love and Sex with Robots, HarperCollins, 2007, dans lequel il assure, l'amour et le sexe entre humains et robots sont inévitables. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Provocateur, il va jusqu'à prédire le lieu et la date du premier mariage légal homme-robot. En 2050, un semblable de R2-D2 demandera la main d'une lointaine cousine de la princesse et le IA, dans l'état du Massachusetts. La prédiction a de quoi faire rire, ou pleurer. De toute façon, le mariage deviendra certainement un concept anachronique à cette époque, tranche Olivier Neureau, docteur en sciences cognitives et auteur de conférences sur le thème machine et émotion. En revanche, l'essor d'une sexualité robotique est plus que certain. D'abord, parce que la notion de sextoy est entrée dans les mœurs. Mais, surtout, car le X constitue souvent le point d'entrée dans un marché de grande consommation. Comme ce fut le cas pour le Minitel ou Internet, le déploiement des robots ne se fera pas sans l'industrie du sexe. Fin et suite de sexe et robots, les liaisons dangereuses. À bientôt, grosse bise numérique.